San Leon izeneko gelan jasudu txertuaren lehen dosia Michel Glan zuzendariak argazkilari, kamera eta mikroan aintzinean eta serioski hartu duarik eta. Je me considérais pas comme un cobaye, hein. Je me considère vraiment comme un professionnel de santé lambda qui pense que le seul moyen d'éradiquer l'épidémie très vite c'est de se faire vacciner. On est maintenant vacciné, on espère que d'autres derrière feront la même chose. Haren segidan lau erizain eta medikua egin zaie txertoa, Sophie Farbos medikuaren eskutik eritasun kutsudunetan aditua da. C'est comme un vaccin classique, les contraintes elles sont liées à la logistique de la chaîne du froid. Au fait que c'est un vaccin multidose, mais après c'est un vaccin a priori indolore, qui a peut-être un petit peu plus que d'autres vaccins des effets indésirables bénins. Gela hortan errezibituko dira txertoa egin nahi duten osagarriak loko profesionalak, berroita marurtez gorakoak lehenik, Michel Glan. Il y aura un circuit qui sera dédié pour le personnel de l'hôpital et la salle dans laquelle nous sommes dédiée aux professionnels de santé hors hôpital ou les professionnels de santé libéraux qui sont en cabinet, des médecins, des infirmières, des kinés. Doktolib gunean itzordua hartu beharko dute lehenik, goizeko zortzietatik gaueko zortzietara idekia izanen dagunea. Baionako ospitaletik mementuko 201 langileko nartu dute txertatzea.